طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فنحمد الله عز وجل ونغمرسي الله عز وجل يوللو لما رزقنا ووفقنا وأعطانا من آلائه ونعم المتكاثرة المتعددة. On remercie Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés et dont il nous a comblés. Et comme vous le savez, Allah nous a facilité hier le fait de sortir avec un groupe de frères. Nuzhatan wa fusha. Durant un bref voyage dans lequel les liens fraternels se sont renforcés et dans lequel on a énormément pu profiter, que ce soit des frères, que ce soit des très belles vues du paysage ou autre, ce qui nous appelle à dire et à faire rappeler l'immense importance que la religion attache à la fraternité religieuse. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Certes, les croyants sont des frères. Wa nabiyyu alayhi salatu wa salam yaqul al-muslim akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم هو الأخ المسلم يكفي que le croyant déteste son frère pour qu'il se voit considéré comme étant mauvais. Donc lorsqu'on fait ce genre de sortie, lorsqu'on se regroupe dans ce genre de regroupement, yatabayyan tabayyunan jalilan jaliyan an al-ukhuwata fillah asl الثبات في الدين. On comprend lorsqu'on participe à ce genre de rassemblement, à ce genre de sortie, que la fraternité religieuse est véritablement l'un des piliers du renforcement dans la religion. فانتبهوا يا أيها الإخوة الأفاضل عن وسوسة الشيطان وأن ينزع بيننا وأن يشتت جهودنا في الصلح والمحبة والألفة والعلاقة وما إلى ذلك. Donc prenez garde, oh mes frères, face aux différentes ruses de Shaitan, qui n'a de cesse de s'efforcer pour diviser, pour semer la discorde entre les frères, et c'est valable aussi pour les sœurs. La fraternité religieuse, elle concerne aussi les sœurs. Tout le monde doit s'efforcer de préserver cette fraternité. Si ton frère t'a fait du mal, conseille-le, bérifoulé. Fa'in taba, fa'biwa ni'ma, wa'in istamarra, fa'amruhu ilallah. Si ton frère t'a fait un quelconque tort, conseille-le de la meilleure des manières. قل لعبادي يقولون التي هي أحسن. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne le prophète alayhi salatu wa salam de dire aux croyants ou d'ordonner aux croyants de dire des bonnes paroles entre eux, qu'ils se disent des bonnes paroles. Car certes, le diable n'hésite pas à semer la discorde entre eux. Donc c'est très important d'avoir des moments comme cela où on se regroupe, où on plaisante entre nous. Les sahaba, ils avaient l'habitude de plaisanter entre eux après le fajr, comme on l'a vu dans les hadiths au sujet de la prière du fajr. Donc, si on entend parler d'une quelconque discorde entre des frères, la première des choses à faire est pour celui qui aime ses deux frères, c'est quoi, Yahya? D'invoquer Allah Azza wa Jal, an yusliha baynahum. D'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il règle la discorde entre les deux. Si vraiment on est des mu'min, on s'aime pour Allah et on se dit frère comme tel, on se doit tout d'abord, avant même de parler à l'un ou l'autre, de faire du'a et de demander à Allah que yaslah baynahum, qu'il les réconcilie. Et ensuite, on les conseille. On les conseille. La ya akhi, hada akhouk, laysa adouk, wa anta munhasir, wa dakhilun fi, yani, khitab al-shara, lama yaqulu Allahu azza wa jal, wa aslihu dhata baynikum. Donc, après avoir fait du'a pour les deux, on peut aller voir l'un ou l'autre et les conseiller, et leur rappeler que personne ne peut sortir du cadre religieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même fixé. On est des frères, c'est Allah qui l'a dit. Chacun, si on est des frères, chacun il a des droits sur l'autre. Chacun il a des droits sur l'autre. Donc, n'as-salam Allah رب العرش العظيم أن يديم ألفتنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc on demande à Allah عز وجل qu'il préserve notre entente, qu'il préserve notre entente et notre amour fraternel, que ce soit entre les hommes ou entre les femmes. Qu'Allah préserve cette mahabba ou cette ukhuwa, cette fraternité. Et que personne, je dis bien personne, ne prenne part que ce soit ni pour le chine ni pour le mime. Que personne ne prenne parti ni pour le C et ni pour le M. فنحن إخوة كلنا نحب الخير لجميعنا وندعو لهما بالتوفيق والسداد. Si on n'arrive pas à réconcilier les frères, on continue à faire du'a pour eux, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que des petites fitnas qui se passent entre un frère ou deux, ça peut devenir une grande fitna. Ça peut devenir une grande fitna si on n'y fait pas attention. Non. Ceci étant dit, notre Bida Sinan et Al-Qawa'id Al-Mufla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc comme on a vu, Cheikh Saïd, alayhi rahmatullah, il a excellé dans son introduction, car il a effectué en son sein énormément de rappels pour l'étudiant en sciences. Et dans cette muqaddima, il y a énormément d'enseignements à retenir. Et c'est des enseignements de vie. C'est pas que tu retiens ces leçons à tirer pour le dars Qawaid al-Muslim. Non. Là, le shir, et ça montre le grand amour qu'il avait pour ses frères et pour ses élèves, le fait qu'il les a conseillés de la meilleure des manières. Et il les a conseillés de conseils qui leur serviront toute leur vie. Les conseils qu'on a vus là, c'est des conseils qui nous serviront toute notre vie. Hein. Donc il a commencé par évoquer l'importance de la science et les mérites de la science. Ensuite, il a évoqué que la science est obligatoire. Talab al-ilm wajibun ala kulli muslim. Ensuite, il a expliqué pour qui quelles sont les sciences obligatoires. Ensuite, il a expliqué les sciences qui ne sont pas obligatoires pour tout un chacun parmi les musulmans. Après avoir expliqué cela, il explique que celui qui est talib al-ilm, il se doit de plonger dans les sciences qui ne sont pas obligatoires pour tout un chacun. Ensuite, il te dit que si tel est le cas, alors veille à prendre la science des gens de science et non pas des livres. Ensuite, il te dit, il t'enjoint à bien comprendre les sciences qui te sont enseignées. Et enfin, là on était sur le dernier chapitre, enfin le dernier conseil, où il dit, si tu fais une erreur, reviens. Si tu fais une erreur, reviens et demande pardon à Allah Azzawajal. Cela ne te rabaissera jamais. Cela ne te rabaissera jamais. Ma ajmal min hadhihi al-muqaddima. Sarah, c'est rare qu'il m'ait été permis de lire une introduction aussi belle et aussi forte en sens. Wallahi, si vous réécoutez les audios du début jusqu'à là, vous allez voir combien de conseils et combien de belles paroles sont passées devant nous. Yeah. Donc on était arrivé à Mada, on était arrivé au Atha, un très beau Atha qu'on va répéter là aujourd'hui, les Fa'ida. Une très belle parole de l'imam Al-Anbari, qui nous rappelle l'histoire. Ah, Abdullah. L'histoire de l'imam Al-Anbari. C'est un imam. Hein? Al-Anbari. حصل بينه وبين تلميذه نقاش علمي. فسئل عن مسألة. فأجاب بما عنده وبما يذكر من العلم، وإذا بتلميذه يقول أصلحك الله، الصواب أو الجواب الصحيح كذا وكذا وكيت وكيت. Donc on a vu l'histoire de cet imam Al-Anbari, à qui on a posé une question. Un de ses élèves lui a posé une question sur un des points parmi les nombreux points de la religion. Et voilà que l'imam y répond par une réponse. Et ensuite, l'élève Il lui dit, Aslahakallah, qu'Allah t'améliore. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est ceci et cela. Qu'est-ce que cet imam, lorsque son élève l'a corrigé de la sorte, qu'est-ce que cet imam il a fait? Est-ce qu'il s'est dit, moi je suis son shir, comment il s'adresse à moi? Moi je suis son shir, comment me contredit-il? Ou autre? Est-ce qu'il a répondu comme ça cet imam? Là. Madaqad. Qui se rappelle cette très belle parole dont il est... qu'il a évoqué? Déjà, les autres élèves, lorsqu'ils ont entendu cet élève-là parler de la sorte au shir, ils ont voulu corriger physiquement. Donc le shir, il leur a demandé de le laisser. Il dit, laissez-le. Certes, il dit vrai. Et ça montre, hier, quoi, que le shir, il peut oublier. Ton shir, tu peux lui demander, tu peux lui poser une question sur un point que tu avais vu avec lui, et il va te donner un autre avis que celui que tu as vu avec lui. Soit parce qu'il a oublié, soit parce qu'il est mashroul, soit parce qu'il est, il était occupé ou autre, il va te donner un autre point. Ça arrive. D'ailleurs, l'imam al-Albani, on lui a évoqué une fatwa qu'il a fait il y a très longtemps. Au sujet d'une chose, je me rappelle plus. Et il dit, lorsqu'il entend la fatwa, il dit, j'ai jamais fait cette fatwa. J'ai jamais dit ça, c'est pas moi. Ses élèves, ils insistent. Il dit, chéri, si tu nous as dit ça, on l'a noté, on a écrit. Le chéri dit, je vous dis que je n'ai pas dit ça. Il répète. Ses élèves, ils disent, mais chéri, on a des audios. On a des enregistrements. Le chéri, il dit, venez avec l'audio, et si je reconnais ma voix, alors là, ce sera autre chose. Les frères, ils sont venus avec l'audio, et il a entendu sa voix, disant la fatwa que ses élèves lui avaient rapportée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Alhamdulillah, la yazal al-ulama, lahum al-qawl wal-qawlan fil mas'ala al-wahida. Il a dit, la louange est à Allah, car les savants n'ont jamais eu de cesse d'avoir plusieurs avis tout au long de leur vie. Par exemple, Cheikh Al-Athaymi, comme on l'a vu dans l'Umratul I'tiqad, au sujet de la tribu du Nafs, il pensait au début que le Nafs c'était un sifat d'Allah Azza wa Jalla. Puis, vers la fin de sa vie, il s'est rétracté. Ça arrive. Alors, Kullihal, donc, cet imam, Al-Anbari, lorsque son élève l'a corrigé, il a dit, laissez-le tranquille, ne le frappez pas. Il a dit vrai. Ensuite, il a dit cette parole qui est restée célèbre, lorsqu'il dit, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ أَرْجِعُ وَأَنَا صَاغِرُ أَرْجِعُ وَأَنَا صَاغِرُ Arji'u wa ana sagir. Il dit, cet imam, il dit, moi je reviens à la vérité tout en me rabaissant pour elle. Je reviens à la vérité tout en me rabaissant pour elle. Et akhwan ma a'zam wasfan fil mu'min min at-tawadhu. Il n'y a pas un meilleur attribut chez le croyant, ou fait partie des meilleurs attributs. L'humilité, le fait d'être humble. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Voilà, donc, après avoir évoqué ce hasard, le cheikh, il dit, cheikh Saïd, « وَهَذَا نَاتِجٌ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّاطِبِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَقِّ وَإِنْ أَخْطَأَهُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ قَصْدُهُ الْحَقِّ وَفَقَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلرُّجُوعِ ذكر هذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. Donc là, le cheikh dit, cette situation qu'a vécu l'imam Al-Anbari, En vérité, elle ne résulte que de son envie de suivre le chemin de la vérité. Que de son envie de suivre la vérité. Car lui, il veut suivre la vérité. S'il se trompe, du moment qu'il est sincère et qu'il veut suivre la vérité, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder la réussite pour qu'il revienne et qu'il se repente de son erreur. Thumma qala, فالعالم الجليل والعالم النحرير يريده الله سبحانه وتعالى رفعة يريده الله سبحانه وتعالى رفعة إذا زال طيب. Donc le savant, le grand savant, le savant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala veut l'élever lorsque il commet une erreur. Comment il l'élève? Lorsqu'il revient à la vérité. Lorsqu'il se repent de son erreur et qu'il revient sur le chemin de la vérité. يُرِيدُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رِفْعَةً إِذَا زَالَ فَرَاجَعَ ثُمَّ لَيْسَ نعم ثم ليس الرجوع والتوبة من الخطأ كما سمعت خفض لمنزلك ولا خفض من شأنك. Ensuite le cheikh il répète un conseil qu'il a donné précédemment. Il dit ô talib al-ilm, ô chercheur en science, sache que le fait que tu te repentes de tes erreurs, ce n'est pas rabaissant. Ce n'est pas rabaissant. Il faut sortir ça de sa tête. J'ai dit une mauvaise parole à quelqu'un. Hein? On m'a conseillé dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir voir cette personne-là et m'excuser. Sahih wa lala. Sahih. Et est-ce que moi, si je m'excuse, ça montre que je suis faible? Ça montre que je suis daïf? Ça montre que je suis vil ou autre? Là. Au contraire, Allah t'a élevé. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort sur ton nafs. Tu as fait un effort de suivre la vérité. Tu as fait un effort de suivre la vérité et tu as fait un effort de te repentir à Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas considérer le fait de se repentir et de revenir vers la vérité comme une humiliation ou comme un rabaissement. Idan, كيف يا عباد الله يحق الإنسان وتخفض منزلته بطاعة الله. Et comment pourrait-on comprendre que l'homme se trouve rabaissé et humilié alors qu'il a accompli une adoration d'Allah Azza wa Jal? At-tawba wal-inaba wal-istighfar wal-ruju' ila Allah Azza wa Jal. Que ce soit le repentir, le retour vers Allah, la demande de pardon ou autre. Parmi ces grandes adorations, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les accomplit, c'est pas possible qu'il les humilie. S'ils ont accompli ces adorations en respectant les conditions du tawbah. Fa innaha ibadatun 'azima. Wa yaqulu Allah jalla fi 'ala wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an 'ibadati سيدخلون جهنم داخلين. Et ça, c'est un verset azim. C'est un verset très important où Allah subhanahu wa ta'ala dit votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et celui qui s'enorgueillit face à mon adoration. Écoutez bien, celui qui s'enorgueillit face à mon adoration, alors lui, il entrera dans le feu de l'enfer. قال فالذي يتصور أن في رجوعه وتوبته واستغفاره من الخطأ والإنابة مما صدر منه من باطل أن هذا حظ من شأنه فإنه أصيب بنوع من الكبر في عبادة الله عز وجل. Celui qui s'imagine que le fait qu'il revienne repentant à Allah عز وجل, il a commis une erreur, il se repent. Le fait de se repentir à Allah عز وجل, ça sous-entend une humiliation, un rabaissement. Lui, en vérité, il a été touché par une forme d'orgueil. Il a été touché par une forme d'orgueil. Et l'orgueil, Juan, c'est un da. C'est une maladie répandue et à la fois très très dangereuse. L'orgueil, c'est une maladie répandue et à la fois très dangereuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Kibriyao Izari Wal-Izza Ridai Man naza'ani wahidan minhuma qasamtu. La fierté, c'est mon rida. Et l'orgueil, c'est mon isa. C'est les deux vêtements, par exemple, les deux vêtements que portent les pèlerins. Le rida, c'est au-dessus, et le isa, c'est la partie qui couvre le bas. Donc l'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend un exemple. L'un, c'est comme sa fierté. L'un représente sa fierté. Et l'autre vêtement représente son orgueil. Celui qui lui dispute l'un de ces deux vêtements, c'est-à-dire qui se sent orgueilleux, qui se sent fier, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je le brise en deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je le brise en deux. C'est dire la gravité de l'orgueil, ya ikhwan. L'orgueil, c'est un da très grave. Taïd. Et ce n'est pas l'orgueil, le fait de porter de beaux vêtements, de se parfumer, de se coiffer, de porter des belles chaussures ou autre. Ça ne fait pas partie de l'orgueil, seulement c'est un chemin qui peut y mener. C'est un chemin qui peut y mener. Mais ce n'est pas de l'orgueil en soi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est jamil, wa yuhibbul jamal. Car Allah est beau et il aime la beauté. Et dans le hadith, quand on a demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, au sujet de l'orgueil, il a expliqué que c'est battre le haq wa ramt an-nas. C'est le fait de réfuter la vérité et de mépriser les gens. Réfuter la vérité et mépriser les gens. À la kulli hal, que celui qui commet une erreur, peu importe son erreur, peu importe son péché, il se repent à Allah et il n'est pas honte. Et il ne se sent pas rabaissé lorsqu'il se repent à Allah Azza wa Jal. Thumma qala fala. فلا يصدر الترفع ولا عدم الخضوع والرجوع والتوبة إلا ولا عدم الخضوع والرجوع والتوبة إلا عمن أصابه كبر في عبادة الله عز وجل علم ذلك أم لم يعلمه عرف ذلك صاحبه أم لم يعرفه. Et ça aussi, le fait qu'on dise que la personne qui se refuse à se repentir pour Allah ou à Allah, en pensant que cela est une humiliation ou un rabaissement, lui, il a été touché par de l'orgueil. Il a été touché par de l'orgueil, qu'il s'en rende compte ou non. Qu'il s'en rende compte ou non, il a été touché par de l'orgueil. « Wa hada ya ibadallah huwa sha'nu ahli al-batil wa sha'nu ahli al-tahazzub wal-inhiraf wal-bid'a wal-balal » Et cette situation-là, en vérité, c'est la situation des gens du faux. Ceux qui aiment suivre le faux. Ceux qui aiment se sectariser. Le sectarisme en islam, c'est interdit. Tamam. Et ceux qui suivent la voie de l'innovation et de l'égarement. طيب ثم قال الذين يتمادون في الأباطل لا يعرفون لدلائل والبراهين الشرعية السلفية رأسا فيجب على طالب العلم أن يكون في غاية من الانتباه وأن يكون حذرا من هذه المزالق العظيمة. Donc il est obligatoire à l'étudiant en sciences de faire très attention à ce genre de choses. Si tu tombes dans une erreur, si tu tombes dans un péché, repens-toi hier. مهما كان. ولا تحاول أن تلف يمينا وشمالا حتى تجتنب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. الرجوع إلى الله فضيلة. متى؟ إيش؟ صوت ذلك عالي جدا. صوت يخرج في الشارع. طيب ممكن تسين تشبه لسان في الفوليو. بارك الله فيك. ثم قال فإن إبليس عليه لعنة الله كما ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في كتابه كيد الشيطان أنه هلك من حيث ظن أنه ينجو، وأذل نفسه من حيث ظن رفعتها، وأهانها من حيث أراد عزتها. سبحان الله. Et lorsqu'on plonge, qu'on analyse le cas de Iblis, qu'Allah le maudisse et qu'Allah nous en préserve, comme l'a évoqué l'imam Ibn al-Jawzi dans les ruses du diable, il dit que le diable a couru à sa perte alors qu'il pensait qu'il allait être sauvé. Il s'est humilié alors qu'il pensait que... ou il s'est rabaissé alors qu'il pensait qu'il s'élevait. Et il s'est humilié alors qu'il pensait que il se fortifiait. Comment il s'est humilié, Juan? Et comment il s'est rabaissé? Et comment, malin, il a couru à sa perte? Pourquoi? Le fait qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam, istikbar, par orgueil, par pur et simple orgueil. Donc l'orgueil, ça l'a détruit alors que lui, il ne s'en est même pas rendu compte. Ça l'a humilié alors que lui, il pensait que ça l'élevait. Et ça l'a anéanti alors que lui, il pensait qu'il allait être sauvé. C'est pourquoi il y a un problème. Il faut vraiment, vraiment, vraiment lutter. Lutter tout au long de notre vie, qu'on lutte pour combattre notre orgueil. L'orgueil est présent, il y a un problème. L'orgueil est présent. À la sabil al-mithal, l'eau kallamatka zawjatuk بكلام سيء ربما تقول أنا ما تكلمني هكذا أنا ليش تقول أنا لأنك رفعت نفسك ونظرت إليها في بعين الإجلال والعظمة وإن كان الكلام من النساء لأزواجهن لابد أن تكون باحترام لكن أسباب التكبر والكبرياء كثيرة لا سيما مع الأهل والأولاد والإخوان نسأل الله العافية. طيب donc ensuite il dit استكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى واستكبر على الله عز وجل وترفع أن يسجد لآدم لأنه في ظنه أنه أرفع من أبينا آدم. Donc il n'a pas voulu se prosterner face à Adam. Pourquoi? Parce qu'il a pensé qu'il était plus élevé. Il était meilleur que notre père Adam, alayhi salatu wassalam. فكيف يسجد وكيف يعظم من يرى أنه دونه فخفضه الله عز وجل وأذله الله وأهانه. فعلا يا إخوان, combien de gens tu peux les trouver ou tu peux penser que tu es meilleur qu'eux? Tu peux penser que tu es meilleur qu'eux. Ouais, et t'entends de lui qu'il a ceci ou cela comme péché. Ouais, il a bika, tu dis, lui, c'est un hypocrite. Quand toi, tu dis ça, lui, c'est un hypocrite, ça veut dire que toi, non. Toi, anta salim. Alors, anta salim. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في مثال عظيم كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. يعني حديث où le prophète عليه الصلاة والسلام nous explique, il nous parle de deux hommes, un dévot, quelqu'un qui est toujours dans l'adoration, et un autre qui fait que des péchés. Regardez, subhanallah, quelqu'un il est que dans l'adoration. Et un autre qui fait que des péchés. Et lui, il conseille ce pécheur. Il le conseille. Un, deux, trois fois, quatre fois. Au bout d'une cinquième ou une énième fois, il a craqué. Il a dit, Allah, il ne va pas pardonner à un tel. Allah, il ne va pas pardonner à un tel. Qu'est-ce qui s'est passé sur le champ? Qui a le culot de dire que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai certes pardonné. Et quant à toi, j'ai anéanti tes œuvres. فهذا المذنب دخل الجنة وهذا يعني المطيع دخل النار. لا إله إلا الله. Donc regardez, ce pécheur là, il est rentré au paradis. Il avait rien, lui là, pour rien. Par un bienfait, la miséricorde d'Allah Azzawajal, Allah il l'a fait rentrer au paradis et à cause, en guise de punition pour celui qui, sans s'en rendre compte, il s'en est orgueilli. Il s'est senti meilleur que lui. On est tous des frères. Min bani Adam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam, c'est des fauteurs. Et le meilleur des fauteurs, c'est celui qui se repent à Allah azza wa jalla. Ouais. Donc Iblis, il n'a pas voulu se prosterner parce qu'il pensait qu'il était meilleur. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissé, il l'a humilié jusqu'à la fin des temps. وَلَوْ أَنَّهُمْ امْتَثَلُوا وَلَوْ أَنَّهُ امْتَثَلَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى النَّفْسِ لَرَفَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et subhanallah, regardez, si Iblis, il s'était rabaissé à suivre le commandement d'Allah Azza wa Jalla. Même si c'est dur, hier. Wallah, ça c'est des enseignements, hier, frère. Des enseignements de vie. T'as fait du tort à ton épouse, maintenant. C'est dur de venir et dire afwan. C'est dur de venir et de lui dire, ouais, je m'excuse. C'est dur. Mashaqqa shadida. Parce que toi, tu dis, tu vas te sentir rabaissé, peut-être. Et peut-être que tu vas essuyer certaines paroles de sa part. Mais non, Yahya. La vérité est plus à même d'être suivie. Toi, du moment que tu reviens de ton erreur, Allah il t'élève. Allah Azza wa Jal, il t'élève. Non. Même si c'est dur. On ne dit pas que c'est pas difficile. C'est difficile de revenir vers le haq. C'est difficile. Mais il faut le faire. طيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد عبد بتواضع الا عزه. Et c'est pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit un serviteur ne s'est pas n'a pas bénéficié de par son humilité d'une chose autre que la noblesse et l'honorabilité. يعني le résultat du tawadu c'est la noblesse et l'honorabilité. فإذا كنت يا عبد الله كذلك إن علمت فقلت خيرا شكرت الله وهذه عبادة وإن زللت وأخطأت تبت ورجعت واستغفرت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وتكون بذلك عبدا لله متعبدا لله إذا فأنت دائر بين الخير كله. Donc, ô toi l'étudiant en sciences, une fois que tu vas apprendre les nombreuses sciences religieuses, si tu transmets de la bonne manière et tu dis, tu appelles à une vérité, alors remercie Allah Azzawajal. Et si jamais tu transmets et tu commets quelques erreurs dans ta transmission, repends-toi. Demande pardon à Allah. Tel jour j'avais dit que c'était ceci ou cela, je me suis trompé. Je reviens à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a nul grief. On peut faire des erreurs, mais l'essentiel c'est de ne pas rester dans ces erreurs et de revenir. Non. Ensuite il dit فَلْيَصْنَعُوا أَعْدَاءَكَ فَلْيَصْنَعُوا أَعْدَاءُكَ مَا شَاءُ. Ensuite il dit, et tant que tu seras comme ça, tant que tu te diras, j'essaie de dire la vérité au maximum, hein, et si je me trompe, si je me trompe dans une, dans un quelconque point, je me rends pas à Allah, tes amis pourront jamais te faire de tort. Subhanallah, kalam qawi de Cheikh Saïd. Tes ennemis ne pourront jamais te faire de tort. Pourquoi? Parce que toi, soit tu es sur une vérité, tu remercies Allah Azzawajal, soit tu es sur une erreur et tu t'en repens à Allah Azzawajal, tu essaies de la délaisser. Fanta da'iron fil khair kullah. Donc toi, tu es toujours dans un khair. Tu es toujours dans un bienfait. Thumma qala wa li hadha qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ma yasna'u bi a'da'i wa jannati fi sadri. إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة في سبيل الله. C'est pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il avait l'habitude de dire, que peuvent faire mes ennemis contre moi? Que peuvent faire mes ennemis contre moi? Mon paradis se trouve dans ma poitrine. Mon paradis se trouve dans ma poitrine. Si on m'enferme, on m'emprisonne, alors pour moi, ce sera comme une retraite spirituelle. Et si on m'expulse d'une terre, alors pour moi, ce sera comme du tourisme. Et si on me tue, on me met à mort, alors pour moi, ce sera le martyr. وَهَذَا يَا عِبَادَ اللَّهِ الَّذِي يَحْتَسِبُ كُلَّ شُؤُونِهِ وَوَطَنَ نَفْسَهُ أَنْ يَقِفَ حَيْثُ وَقَفَهُ اللَّهِ وَقَفَهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَأَمَرَهُ فأمره كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.